ce soir on se rassemble, ce soir on se ressemble, on se cherche un prétexte pour retrouver le vieux réflexe. Et on ira gueuler et insulter la lune, lui cracher nos espoirs et puis nos infortunes. Et on ira gueuler et insulter la lune, lui cracher nos espoirs et puis nos infortunes. Parler en s'écoutant ou pas, l'important c'est de parler. On attendra d'être sous pour parler réellement de nous. Ce soir, on va sourire de dépit ou d'ennui, ou vraiment de plaisir. On squattera le bar tant qu'il y aura des verres à boire. On squattera le comptoir tant qu'il y aura des verres à boire. Et on ira gueuler et insulter la lune, lui cracher nos espoirs et puis nos infortunes. Et insulter la lune, lui cracher nos espoirs et puis nos infortunes. Et puis on sera heureux ou bien sous ou les deux, on s'en fout tant qu'on sourit un peu. Et puis on sera heureux ou bien sous ou les deux, on s'en fout tant qu'on sourit un peu. La chance, ils s'écrouleront dans un lit déjà chaud, avec au fond des draps une paire de bras et un cœur qui bat. Et pour les autres, ce sera le dernier der. Allez patron, encore un verre. Allez patron, tu nous resserres. Encore un verre. Merci.